ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busavye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. On se mira bon sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à ce journal. Et donc, voici d'abord le sommaire. Le parti CNL plaide pour la reprise de ses activités suspendues le 2 juin de cette année par le ministre de l'Intérieur. Dans une conférence de presse de ce lundi, le président de ce parti a demandé au ministre de faire preuve d'impartialité dans la gestion de différents que connaît ce parti. 4 mineurs retrouvés morts sous les décombres d'une église pentecôte, plus d'une centaine de familles sans abri. C'est le bilan provisoire des pluies torrentielles qui se sont abattues ce dimanche matin sur la colline Kiangé de la commune Kibago de la province Makamba. L'administration sur place plaide pour l'assistance aux rescapés de ces intempéries. Le quartier Mugoboka 2 de la zone urbaine de Rohero est menacé par un ravin qui a déjà emporté 6 maisons d'habitation et la population demande une intervention d'urgence pour couper court au glissement de terrain provoqué par la rivière Nahangwa. Et la chronique sportive de ce lundi porte sur le sport de Kabaddi qui se joue actuellement dans 4 provinces du Burundi. Fiacre Wege, président de la Fédération burundaise de Kabaddi, indique qu'au sein de la Fédération, il compte vulgariser ce sport dans l'avenir partout dans le pays. Ouvrons cette édition par la page politique. Le parti CNL plaide pour la reprise de ses activités suspendues le 2 juin de cette année par le ministre de l'Intérieur. Dans une conférence de presse organisée ce lundi, le président de ce parti, Agathon Gwasa, demande au ministre de faire preuve d'impartialité dans la gestion des différends que connaît ce parti. Agathon Gwasa dit que ces litiges ne peuvent être résolus que si les organes fonctionnent normalement. Suivez plutôt Agathon Gwasa, président du parti CNL. Toutes les questions se résolvent dans un cadre prévu par les lois internes au parti. Mais le ministre sait qu'il a bloqué toutes les activités du parti CNL. Comment est-ce qu'on peut résoudre des questions, résoudre des problèmes lorsqu'on ne peut pas se rencontrer, lorsqu'on ne peut pas se réunir, ne fût-ce que statutairement? C'est ça le dilemme, c'est ça le paradoxe qu'il essaie d'entretenir et essaie de se tirer d'affaire en prononçant des paroles qui peuvent tromper l'un ou l'autre. Tout ce que nous demandons à l'autorité administrative, qu'elle soit ministérielle ou présidentielle, c'est de laisser le parti CNR libre. Le parti CNR n'a enfreint aucune loi de la République du Burundi. Donc, les sanctions injustes, arbitraires et insensées de la part des ministres de l'Intérieur doivent être levées. C'est comme ça que l'on pourra alors, étant en action, étant en activité, que l'on pourra résoudre les différentes questions qui peuvent se poser. La loi est claire. L'article 62 et 64 de la loi sur les partis politiques le dispose clairement qu'ils respectent cette loi. Dans la Constitution, l'article 138, où les ministres prêtent serment, je pense qu'ils doivent veiller plutôt à la promotion de la société, à la justice sociale. On devrait plutôt relire peut-être les textes légaux qui sont en vigueur et rectifier le tir, purement et simplement. Agathon Gwasa, président du parti CNL. L'église pentecôte, sise à la colline Kiangé de la commune Kibago en province Makamba, s'étant abattue, s'est écroulé suite à la pluie torrentielle mêlée de vent qui s'est abattue le matin de ce dimanche dans la localité et qui a emporté les vies humaines et presque totalement tombé par terre de Bazanfou à la suite des opérations de secours clôturées le soir de ce dimanche. Les habitants proches de cet endroit et certains des membres de cette église qui rencontrés sur place saluent la manière dont la population en général et les administratifs à la base jusqu'au niveau provincial s'en sont précipités intensivement. Cette population demandait à l'État de leur venir en aide s'agissant de l'inhumation des enfants succombés et faire soigner aussi les personnes blessées dans cet accident. Les détails avec Alizé Kuitzer. Comme nous l'avons constaté ce lundi, l'église Pentecôte se trouvant sur la colline Kiyange de la commune Kibago dans la province de Makamba ayant été détruite et qui a emporté les vies humaines est presque totalement tombée par terre de bas en haut. Un de deux côtés du sens de la longueur s'est renversé vers l'intérieur de cette église et l'autre vers son extérieur. Et celle les murs de la partie en étage et où on était en train d'ériger la tour de cette église sont restés au cas où toute la toiture s'est retrouvée par terre. À cet endroit s'observent pour le moment les décombres dont les briques, les fers à béton, les charpentes en fer ainsi que les tôles brisées. Au moment où les opérations de secours ont terminé le soir de ce dimanche, les habitants proches de cet endroit et certains parmi les membres de cette église que nous y avons rencontrés saluent la manière dont la population en général, ainsi que les administratifs à la base, jusqu'au niveau provincial en particulier, se sont précipités massivement pour ces opérations et transporter aussi les personnes blessées dans les structures de santé. N'eût été leur intervention, la situation aurait été très grave par rapport, ajoute-t-il. Ces habitants demandent à l'État de leur venir en aide, s'agissant de l'inhumation des enfants succombés et faire aussi soigner les personnes blessées dans cet accident. Rappelons que la destruction de cette église a occasionné des dégâts de 4 enfants morts et 15 blessés suite à la pluie torrentielle mêlée du vent le matin de ce dimanche. Depuis Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Merci à notre correspondant Élisée Kwizera pour tous ces détails. L'administrateur communal de Kibago, Espérance Narukundo, confirme les faits et demande à toute âme charitable de rester aux côtés de ces familles qui ne voient plus à quel saint se vouer. Suivez l'administrateur communal de Kibago, joint au téléphone par mon confrère Placide Denis Mungere dans cette traduction de Oreb Ingabit. Quatre personnes sont mortes, 15 personnes ont été blessées, plus de 60 personnes ont été sauvées. Nous vous informons qu'il n'y a plus de victimes qui restent encore sous les décombres. Il n'y a aucune action d'urgence en cours dans notre commune. Seulement, la commune ne fait qu'identifier tous les dégâts. 3 églises ont été endommagées. Il en est de même que 8 salles de classe. Les écoles fondamentales de Kiyange, le lycée communal Kiyange, plus de 100 ménages n'ont pas d'abri. Le centre de santé de Kiyange enregistre 5 tôles démolies. Le marché de Kiyange connaît aussi un immeuble qui est dépourvu de tôles. Concernant l'église de Kiyange, elle est certes en étage, mais aussi en matériaux durables. Je dirais que l'immeuble s'est écroulé à cause d'une catastrophe qui a complètement détruit toutes les briques. Je ne peux pas me prononcer que techniquement la construction n'avait pas respecté les règles. Je demanderai au gouvernement, spécialement au ministère en charge de la solidarité et à tout bienfaiteur de nous venir en aide. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. De Makamba, Cap sur Bururi, où une famille de la colline Sekinyonga, en commune Matana, en province Bururi, demande à la justice de faire convenablement son travail pour que les auteurs de l'assassinat d'un homme du nom de Proté Nyongabo de cette famille soient connus et punis conformément à la loi. Cet homme a été tué la nuit de samedi sur cette colline. Au niveau de la police à Bururi, on fait savoir que 8 personnes sont déjà sous les verrous à Matana. Pour des raisons d'enquête, les conflits fonciers seraient à l'origine de son meurtre. Les détails avec Zenon Zabiman. Les membres de cette famille disent que Proté Niyongabo a été assassiné par des inconnus à l'aide de gourdins et de pierres. C'était la nuit de ce samedi à dimanche quand il rentrait chez lui sur la colline Sakinyonga, en commune Matana de la province Bururi. Les mêmes sources disent que sa femme, avec qui il rentrait, a pu échapper en essayant de crier pour alerter la population. Cette femme dit que personne de ses malfaiteurs n'est allé à sa poursuite, ce qui prouve que c'était son mari qui était visé. Les sources sur place indiquent également que c'était la deuxième fois que Proté est tombé dans l'hôtel embuscade tendu par des inconnus. La première fois, il a été sauvé par ses voisins de cette même colline. Selon les mêmes sources, la famille de la victime demande à la justice de faire son travail pour que les auteurs de ce crime soient connus et punis conformément à la loi. Le commissaire provincial de la police à Bururi indique que la police est déjà à l'œuvre. Colonel de police Imane Gaba Dieudonné fait savoir que 8 personnes sont depuis ce dimanche dans les mains de la police pour réseau d'enquête et sont pour le moment au cachot du commissaire communal de la police à Matane. Les sources policières, de même que celles sur la colline Sakinyonga, disent que les conflits fonciers seraient à l'origine de ce crime. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Restons dans cette province du sud du pays où différentes infrastructures de 3 écoles ont été détruites en commune Bururi suite aux fortes pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus ce dimanche dans cette commune. À l'Ekofo Gisande, sont les toitures de 2 salles de classe qui ont été détruites et celles d'un bloc de sanitaire. Les toitures de l'église Pentecôte située à côté de cette école ont été également portées par ces intempéries au lycée communal Kagwa. C'est une salle de classe qui a été détruite de même qu'au lycée communal Kavumvu. Le directeur communal de l'enseignement à Bururi dit que même le matériel scolaire, les manuels des enseignants y compris, ont été endommagés. Richard Hatungimana demande une aide pour la réhabilitation de ces infrastructures. Au moment où cette école de la province Bururi ont été déjà touchées par ces intempéries depuis le début de cette saison pluvieuse, colonel Leonidas Badenzama, sous-gouverneur de cette province, appelle les responsables des écoles à planter des arbres pouvant freiner la vitesse du vent pour protéger les salles de classe. Au moins 6 maisons d'habitation sont déjà emportées par le ravin qui menace le quartier Mugoboka 2 se trouvant à Mutanga Sud. C'est la mairie de Bujumbura, selon les sources recueillies sur place. La population de cette localité de la zone urbaine de Rohero craignent le pire et expliquent que cela est dû à la rivière Nahangwa et demandent cependant aux autorités administratives de trouver des solutions dans l'immédiat pour sauver ce qui reste à sauver. Ornella Mucho s'est rendu sur les lieux. Son reportage. Arrivé au quartier Mugoboka 2, plus précisément l'endroit communément appelé Kuitangi, c'est en zone urbaine de Lohero, dans la capitale économique de Bujumbura, l'on est accueilli par des ravins, visiblement, qui s'agrandissent au jour le jour, comme par ailleurs des habitants proches de cette localité l'affirment. Les maisons et les caniveaux sont menacés par les glissements de terrain et ses habitants déplorent que pendant cette saison pluvieuse, la situation s'aggrave. Les maisons, les caniveaux s'effondrent du jour au jour suite à la rivière Nahangwa. Il y a même là où les maisons ont été démolies. Vous comprenez que nous vivons dans la grande panique et les conséquences sont énormes chez les victimes de ces démolitions. La population de Mugoboka 2 demande la stabilisation des berges de la rivière Nahangwa dans le meilleur délai. Selon toujours ses habitants, le malheur ne vient jamais seul quand le pont reliant les quartiers Mugoboka 1 et Mugoboka 2 est également menacé et commence à s'effondrer. Merci à Ornella Mucho. La province de Kirundo n'a pas été choisie au hasard pour que la journée mondiale dédiée à la bonne alimentation s'y passe aujourd'hui, s'y passe ce lundi. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Prosper Dodico, explique que cette province était jadis un grenier du pays. Le gouvernement s'est donné l'objectif pour que cette province revienne sur sa bonne renommée. Le ministre l'a dit ce lundi en commune de Kirundo lors de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « L'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». Les détails avec Abraham Safadi. Dans son mot d'accueil, le gouverneur de Kirundo a signalé que cette province connaît un problème sérieux d'eau potable. Seulement 26,4% de la population de Kirundo ont accès à l'eau potable. Les autres ne boivent que des eaux des lacs, source de plusieurs maladies. Donc, selon lui, il y a beaucoup à faire pour que la population ait de l'eau potable et cela en quantité suffisante. Quant au ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage Prospère d'Odiko, il signale que chaque année, le Burundi se joint à d'autres pays du monde pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation. Cette année 2023, le thème choisi est « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». Le ministre d'Odiko précise également que la province de Kirundo n'a pas été choisie de hasard pour que cette journée s'y passe. C'est plutôt parce que cette province était jadis en grenier du pays et le gouvernement s'est fixé l'objectif de la faire revenir sur sa bonne renommée. Selon le représentant de FAO au Burundi, le thème de cette année est interpellateur plus d'un titre. L'importance de l'eau est triviale, continue ce représentant. L'eau est essentielle à la vie terrestre, elle constitue plus de 50% de notre corps et recouvre 71% de la surface terrestre. À l'échelle mondiale, continue ce représentant, l'agriculture est responsable de 72% des prélèvements d'eau. Signalons que la population de Kirundo, surtout dans les communes de Bugabia et une partie de Kirundo, fait face aux problèmes sérieux d'eau potable et pour l'alimentation, certains signalent qu'ils ne mangent qu'une seule fois par jour. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. 15 équipes pratiquent le sport de Kabaddi qui se joue actuellement dans 4 provinces du Burundi. Fiacre Wege, président de la Fédération burundaise de Kabaddi, indique qu'au sein de la fédération, il compte vulgariser ce sport dans l'avenir partout dans le pays. Il demande au ministère ayant les sports dans ses attributions de les soutenir financièrement du fait qu'ils utilisent beaucoup de moyens pour vulgariser le sport de Kabaddi qui est nouveau au Burundi. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. La discipline sportive dite Kabaddi, encore nouvelle au Burundi, est en train de se propager dans le pays. Kabaddi se joue actuellement dans 4 provinces du Burundi. Fiacre Wege, président de la Fédération burundaise de Kabaddi, affirme que la fédération compte étendre ce sport partout dans le pays. Ce sport est en train de se propager à travers les provinces. Il a commencé par la mairie, mais on est déjà à Bubanza, à Bujumbura, à Rumonge. On a déjà commencé les contacts à Muramvya, à Gitega. C'est un sport qui est en train de se propager à travers le pays. Le manque de moyens et de techniciens qualifiés dans le sport de Kabaddi sont certains défis auxquels fait face ce sport. Les défis, ce sont les moyens, parce que comme c'est un nouveau sport, les défis ne manquent pas. C'est d'abord le personnel qui sont les encadreurs qualifiés, qui connaissent le jeu et qui peut toucher plusieurs jeunes de ce pays. C'est les moyens pour y arriver et les moyens de formation pour ces coachs et ces entraîneurs. Malgré cela, le président de la Fédération burundaise de Kabaddi fait savoir que les terrains sont suffisants. Je dirais que les terrains peuvent être trouvés partout dans le pays parce que je vous ai dit que sur tout espace qui ne présente pas de danger, on peut jouer au Kabaddi. Donc, je crois que le manque de terrain n'est pas vraiment un défi, mais si on veut du Kabaddi international, on doit avoir des salles de sport et des tapis sur lesquels on joue. Pour promouvoir le sport de Kabaddi au Burundi, Fiacre Wege demande au ministère et à l'esport dans ses attributions d'appuyer les nouveaux sports comme cela se fait pour d'autres disciplines. Je demanderai d'abord au ministère de la Jeunesse de disponibiliser les moyens pour les nouveaux sports comme il le fait pour les anciens sports comme le football, le basketball et autres, pour que ces sports participent aussi à l'encadrement de la jeunesse burundaise. Dans le processus de la vulgarisation de ce sport, il demande également la contribution des médias entre-temps des informations relatives à ce sport. À la presse et aux médias, c'est de diffuser les jeux de Kabaddi, mais aussi de parler souvent de ce jeu qui est en train de grandir à travers le pays, mais aussi au niveau international, pour que beaucoup de gens aient de l'information sur le Kabaddi. Le Kabaddi est un sport d'équipe du sous-continent indien, populaire dans toute l'Asie du Sud, ainsi qu'en Asie du Sud. d'Est, au Japon et à Milan. Le championnat asiatique de kabaddi est organisé chaque année depuis 1980. L'Inde en a toujours été le vainqueur de ce championnat. Le Burundi connaît cette discipline depuis le 27 juillet 2023. Il n'a pas encore organisé le championnat iloratif. Voilà, c'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme Rambona pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Les émissions continuent sur les ondes de la radio Sanganitro.